Dossier 10. Première partie. Un beau mariage. Dans la salle des mariages de la mairie, le maire est en train de marier Julien Larodet et Valérie Forestier. Monsieur Julien Larodet, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Valérie Forestier, ici présente? Oui. Mademoiselle Valérie Forestier, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Julien Larodet, ici présent? Oui. Nous allons procéder à la signature des registres. Si les témoins veulent bien s'approcher. Les témoins s'approchent de la table. On assiste à la signature. Je vous déclare mari et femme. Les jeunes mariés sortent de la mairie et se dirigent vers l'église. Joseph et Raymond sont ensemble, comme d'habitude. Ça me rappelle le mien. Le tien? Mon mariage. Mais tu ne t'es même pas marié à l'église. Bien sûr que je me suis marié à l'église. Et pourtant, je n'y tenais pas. Ma femme, enfin ma fiancée, n'aurait jamais accepté de ne pas se marier à l'église. Mais qu'est-ce que tu crois? Ne t'énerve pas comme ça, Joseph. Tu sais bien que c'est mauvais pour ta tension. Ouais. Et pour la mienne.